وتعلموا العلم من الصحابة، ولكني اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. Donc ça c'est la neuvième ambiguïté. Donc elle est longue. Et le résumé, c'est que les gens à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ils l'ont blâmé de statuer que certaines personnes disant la ilaha illallah et Mohammed Rasulullah, des gens qui jeûnent, des gens qui font la prière, qu'ils sont mécréants. Ils ont dit, comment peux-tu rendre mécréants des gens qui attestent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et ils prient et ils jeûnent et ils font même le pèlerinage. Donc il nous dit, lorsque tu te rends compte que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus sont plus doués de raison et que leur association est moins pire que ceux de maintenant. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on avait cité dans le cours précédent, que le polythéisme et l'association des gens de Quraysh étaient moins pires que celles des associateurs à l'époque de Cheikh et même à notre époque. Et on avait cité 10 choses prouvant cela. Il nous dit ensuite que ces associateurs ont une choubha, une ambiguïté qu'ils citent. Et il nous dit que c'est la plus grande de leurs ambiguïtés. Donc on avait cité que dans le livre il y a 9 ambiguïtés. Celle-ci c'est la 9e. Les 3 premières sont parmi les plus importantes et celle-ci également est importante. Donc il y a 4 ambiguïtés importantes dans le livre et 5 qui sont moins importantes que ces 4-là. Il nous dit فَأَصْرِ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. Il nous dit écoute attentivement la réponse à cette ambiguïté. Ils disent ceux sur qui est descendu le Coran n'attestaient pas que la ilaha illallah et ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mentir et ils refusaient de croire à la résurrection et ils refusaient de croire au Coran et ils disaient que c'est une sorcellerie. Quant à nous, nous attestons que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Et nous croyons au Coran et nous croyons à la résurrection, nous prions, nous jeûnons. Comment peux-tu nous mettre au même piédestal que ces gens-là? La réponse. Il nous dit, il n'y a pas de divergence chez les savants que l'homme, lorsqu'il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un sujet et ne croit pas en certaines autres choses qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est mécréant et qu'il ne rentre pas dans l'islam. Comme celui qui croit en certains versets du Coran et refuse de croire à d'autres. Comme celui qui croit au tawhid mais qui refuse de croire à l'obligation de la prière. Ou bien il croit au tawhid et à l'obligation de la prière mais il refuse de croire à l'obligation de la zakat. Ou bien il croit à tout cela mais il refuse de croire à l'obligation du jeûne. Ou bien il croit à tout cela mais il refuse de croire à l'obligation du pèlerinage. Il nous dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes n'ont pas voulu se rendre au pèlerinage et Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset de Sourate Ali Imran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire que Allah impose aux gens le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque et que toute personne qui mécroit, Allah se passe des mondes. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de croire à l'obligation de cela. C'est ce qu'on appelle al-juhud. Et il nous dit que celui qui croit à tout cela, c'est-à-dire al-tawhid, al-salah, al-zakat, al-hajj, al-sawm, mais qui ne croit pas par exemple al-ba'th, à la résurrection, kafara bil-ijma'. Il est mécréant par consensus des savants. Et son sang et ses richesses deviennent licites. Allah dit dans le Coran: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Il dit ceux qui ont mécru en Allah et en ses messagers et ils veulent faire une différence entre Allah et ses messagers en disant nous croyons à certaines choses et nous ne croyons pas à d'autres et ils veulent prendre cela comme chemin, le fait de croire en certains textes et de ne pas croire en d'autres, de croire en certains prophètes et de ne pas croire en d'autres. Allah il dit Ulaika humul kafiruna haqqan. Voilà les véritables mécréants. Wa atadna lil kafirin 'adaban muhina. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Si Allah tabaraka wa ta'ala donc a cité clairement dans son livre que celui qui croit en certaines choses et mécroit en d'autres, qu'il est un véritable mécréant. À ce moment-là, zalat hadhihi shubha. À ce moment-là, cette ambiguïté disparaît. Et il nous dit que cette ambiguïté est ce qu'ont cité les gens de l'Ihsa. L'Ihsa, donc, c'est une province à l'est de l'Arabie Saoudite. Donc, l'auteur, rahimahullah, avait reçu une lettre dans laquelle ces gens-là lui disaient « Kayfatu kaffiru ?» من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويفعل ويفعل. Il lui disait comment peux-tu statuer de que certains musulmans sont mécréants alors qu'ils attestent que la ilaha illallah et que Mohammed est son messager, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il croit à la résurrection. Et il dit également en réponse, si tu reconnais que celui qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a dit, sauf qu'il rejette l'obligation de la prière. Et dis-moi, la prière, je ne crois pas que c'est une obligation. Ou kafir, celui qui dit cela est mécréant. Halal ud-dami wal-mal, son sang et son âme deviennent licites. Bil-ijma'. Pareil pour celui qui croit à tout cela, sauf qu'il refuse de croire à la résurrection. Pareil, celui qui croit en tout, sauf qu'il ne croit pas à l'obligation du jeûne de Ramadan. Ou bien il croit en tout et refuse de croire à une chose. Il nous dit que toutes les écoles sont d'accord pour dire qu'il est mécréant, et le Coran a parlé de cela et a témoigné. Il nous dit ensuite, donc si tu acceptes d'attester que celui qui refuse l'obligation de la prière, refuse l'obligation du jeûne, refuse l'obligation du hajj, qu'il est mécréant, ils vont te dire oui. Comment peux-tu, comment statuer alors sur une personne qui refuse at-tawhid, qui refuse at-tawhid, qui est au-dessus de la prière, au-dessus de la zakat, au-dessus de jeûne, au-dessus de pèlerinage? Donc comment dire qu'une personne qui refuse de croire à l'obligation de la prière, qu'il est mécréant, et une personne qui refuse de croire à l'obligation d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est alors musulman? C'est-à-dire que donc, si il fait tout cela, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il fait le pèlerinage, mais qu'il refuse de croire au fait qu'il est obligatoire d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala d'adoration, à ce moment-là, il est alors mécréant. Il nous dit, subhanallah, ma a'jaba hadha al-jahl, comment est étonnante cette ignorance. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu Banu Hanifa. On va expliquer qui sont Banu Hanifa. Donc c'est une tribu qui ont mécru et ont qui ont prétendu qu'un homme appelé Musaylama Al-Kadhab était prophète. C'est-à-dire, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous avons un autre prophète qui est Musaylama. Les compagnons radiyallahu anhum, à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhum, ont combattu ces gens-là. Fi marakatil yamama. Et ils ont statué que ces gens-là étaient mécréants, car ils ont dit que donc il y avait un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils ont embrassé l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire cette mécréance n'est apparue qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disaient tous ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ils faisaient l'adhan, ils faisaient la prière. Et malgré cela, les compagnons les ont combattus et ont dit qu'ils étaient mécréants. Ces gens-là, ils diront, mais eux, ils ont dit que Musaylama est un prophète. Ils ont dit que Musaylama est un prophète. À ce moment-là, lorsqu'ils reconnaissent que la personne qui dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, qui prie, qui jeûne, peut, par certains actes, être considéré comme mécréant, à ce moment-là, on arrive à un point en commun. À ce moment-là, donc, on lui dit, si une personne a osé élever une autre personne au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient mécréant. Son sang et son âme deviennent licites. Et les deux shahadas ne lui sont d'aucune utilité. Que penser alors d'une personne qui éleverait Shamsan, donc un tarot parmi leurs tawarit, ou bien Yusuf, ou bien un compagnon, ou bien un prophète, au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ils reconnaissent qu'une personne qui dirait qu'un tel est un prophète, il devient mécréant. Donc comment penser d'une personne qui élève un homme au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu ma a'zama sha'na. Il dit ensuite, كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ainsi Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. En réponse également, on leur dit, Ali ibn Abi Talib radiallahu an a brûlé des gens. Donc à son époque, il a brûlé des gens. On va citer pourquoi il les a brûlés. Et tous ces gens-là que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a tués en les brûlant, ils étaient musulmans. C'est-à-dire, ils disaient, nous sommes musulmans. Ils attestaient que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. Ils faisaient partie des gens qui étaient proches de Ali. Ils ont appris la science auprès des compagnons radiallahu anhu. Mais ils ont cru en Ali la même croyance que les gens ont en Yusuf, donc un parmi les gens adorés à l'époque de Cheikh, ou bien Shamsan, ou bien d'autres. Comment se fait-il que les compagnons radiallahu anhum n'ont pas divergé sur le fait que ces gens-là devaient être tués et qu'ils étaient mécréants? Atazunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Pensez-vous que les compagnons radiallahu anhum rendent mécréants les musulmans? Ou bien pensez-vous que le fait de croire cela en Taj, donc une personne adorée alors à son époque, ne pose aucun problème, et que le fait d'avoir cette même croyance sur Ali ibn Abi Talib rend la personne mécréante? Également, parmi les choses, les réponses que l'on peut donner à cela, Banu Ubayd al-Qaddah, ce que l'on appelle l'Ubaydiyin. On va citer également qui sont ces gens-là. C'est ces gens qui, au 4e siècle de l'Hégire, ont pris possession du Maghreb et de l'Égypte, à l'époque de Bani al-Abbas. Tous attestaient que la ilaha illallah et que Mohammed est son messager. Et ils prétendaient être musulmans. Ils priaient la prière du vendredi, la prière obligatoire. Sauf que lorsqu'ils ont montré au grand jour des choses qui allaient à l'encontre de l'islam, tous les savants ont statué que ces gens-là étaient mécréants et qu'il fallait les combattre, et que leur pays était un pays de guerre. Et les musulmans les ont combattus, donc ils sont rentrés et ils ont reconquis l'Égypte. Hatta stanqadhu ma bayna aydihim min buldan al-muslimin, jusqu'à ce qu'ils libèrent tous les pays qui étaient entre leurs mains. Al-Ubaydiyin. Également, parmi les réponses que l'on peut donner, l'auteur il nous dit: si les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mécru car ils ont réuni الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث, car ils ont réuni donc le fait qu'ils étaient associateurs, qu'ils traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, qu'ils traitaient le Coran de mensonge, qu'ils refusaient de croire à la résurrection et d'autres choses. Il nous dit: quel est l'intérêt alors du chapitre cité dans tous les livres de fiqh qui s'appelle Babu Hukmi al-Murtad? Hukmi al-Murtad, c'est-à-dire l'apostat, la personne qui est musulmane et qui sort de l'islam. Personne qui est musulmane et qui sort de l'islam. Dans tous les livres de fiqh, dans les quatre madhahib, et même dans d'autres, par exemple Zahiriya, vous trouvez qu'il y a un chapitre qui s'appelle Hukm al-Murtad, c'est-à-dire la personne qui est musulmane et qui commet un acte le faisant sortir de l'islam. Donc cette personne a des règles liées à lui. Donc il nous dit que si la personne qui dit la ilaha illallah et Mohammed Rasulullah est musulmane, quoi qu'elle fasse, quel est l'intérêt de ce chapitre cité dans tous les livres de fiqh? Donc ce chapitre prouve bien qu'une personne étant musulmane peut par certains actes sortir de l'islam. Et il nous dit que dans ces chapitres, les savants du fiqh ont cité beaucoup de choses, anwa'an kathira, faisant sortir de l'islam et rendant le sang de la personne licite ainsi que ses biens. Certains même ont cité des choses, ils ont cité des choses banales. Par exemple, l'Aimmat al-Ahnaf, il cite parmi les choses qui font sortir de l'islam, il nous dit le fait de dire Musayhif ou bien Musayjid. Il considère cela comme un non-respect du Coran, un non-respect de la mosquée. Il dit, celui qui dit ça, kafar. Pour montrer qu'ils ont cité des choses faciles à faire qui font sortir de l'islam. Mithlu kalimatan yadhkuruha bi lisanihi duna qalbi, en citant des paroles que la personne dit sans même y croire. Elle le dit par la langue sans que le cœur veuille dire cela. Malgré cela, eux ils disent que celui qui fait cela, kafar. Ou bien une parole dite par plaisanterie. Ils disent que celui qui dit ça, même par plaisanterie, kafar. Parmi les réponses également, Allah dans le Coran, il nous dit: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont rien dit, alors qu'ils ont dit une parole de mécréance, وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ils ont mécru après avoir été musulman. N'as-tu pas entendu Allah tabaraka wa ta'ala les rendre mécréants pour une seule parole, alors qu'ils vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils faisaient le jihad avec lui, ils priaient avec lui, ils donnaient la zakat, ils faisaient le pèlerinage et ils unifiaient Allah tabaraka wa ta'ala. Également ceux sur qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit: قُلَ بِاللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dites: est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ses versets et de son prophète? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala a cité clairement qu'ils ont mécru après la foi, alors qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Tabouk, et ils ont dit une parole pour plaisanter. On va citer le hadith. Ils ont dit une parole en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des compagnons, pour plaisanter, et Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ce verset pour statuer que ces gens-là étaient mécréants. Il nous dit: فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبَهَةَ. Donc observe donc cette ambiguïté qu'ils ont citée. C'est lorsqu'ils disent تُكَفِّرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُنَاسًا, c'est-à-dire vous rendez mécréants des gens parmi les musulmans qui attestent que la ilaha illallah est prie et jeûne. Et observe la réponse, car cette réponse est une des réponses les plus utiles de ce livre. Parmi les réponses également, il nous dit que Allah dans le Coran a cité que Banu Israël, malgré donc qu'ils étaient musulmans, qu'ils avaient de la science, qu'ils étaient pieux, ils ont dit à Moussa: ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ô Moussa, donne-nous une idole ou bien une divinité comme ces gens-là ont une divinité. Donc ils sont passés après donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala les ait sauvés de Pharaon en ouvrant la mer, ils sont passés à côté d'un peuple qui était donc qui résidait dans l'adoration de asnam, de statuettes. Ya'kufuna 'ala asnam illahum. Ils ont dit alors: qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous une divinité comme ces gens-là ont une divinité. Qala innakum qawmun tajhalun. Il a dit: vous êtes un peuple ignorant. Et d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ij'al lana dhata anwat. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-nous un arbre, sidra, jujubier, pour accrocher donc nos armes et pour obtenir la baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré en disant que cette parole est la même que la parole des Banu Israël à Moussa. إذن هذه الشبهة هي أطول الشبهة كما لاحظتم وهي شبهتهم التاسعة وهي التي تقول أن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام أنه لا يكفر ولو أشرك بالله. Donc ça c'est la neuvième ambiguïté, c'est la plus longue. Donc vous avez vu qu'on a lu beaucoup de pages, et cette ambiguïté est: comment pouvez-vous rendre mécréants des gens qui attestent que la ilaha illallah, que Mohammed est son messager, et qui jeûne et qui prie? Donc ces gens-là ne peuvent être rendus mécréants, quoi qu'ils fassent, même s'ils s'associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi shubha kanat mawjudatan fi zaman al-shaykh rahimahullah wa wujiyat ilayhi kutub wa rasail ursilat ilayhi تتهمه بتكفير المسلمين. ومن أوائل من تولى هذه الشبهة رجل اسمه سليمان بن سحيم النجدي, وكان من ألد أعداء الشيخ في النجد, وكتب كتبا يشوه فيها أن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ورد الشيخ على هذه الشبهة في كتب كثيرة, منها كتابنا الذي بين أيدينا, وكتاب آخر اسمه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. Donc cette accusation a été donc envoyé vers Cheikh Rahimahullah à son époque. Des gens lui ont écrit des livres, des courriers pour lui dire « Comment oses-tu statuer que des musulmans qui attestent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, qui jeûne, qui prie, qui font le pèlerinage, qui sont mécréants ?» Et cette shubha, cette ambiguïté, donc Cheikh Rahimahullah y a répondu dans de nombreux livres, comme le livre Kashf al-Shubuhat et un autre livre qui s'appelle Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariki al-Tawhid. Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariki al-Tawhid. Et parmi les gens qui ont accusé Cheikh de cela, un homme qui s'appelle Suleyman ibn Suhaim al-Najdi, qui faisait partie des plus grands ennemis de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à son époque, et qui essayait de ternir l'image du prêche de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, en disant que cet homme est un homme qui veut rendre apostat toute la communauté musulmane. Wa Cheikh rahimahullah, ani ajaba an hadhihi al-shubha. فذكر الإجماع على من صدق بشيء من هذا الدين وأنكر شيئا آخر أنه يكفر. Donc l'auteur rahimahullah, il a répondu à cette ambiguïté en disant que il est cité dans les livres de aqida ou bien de fiqh que les savants sont unanimes pour dire qu'une personne qui croit en une partie de la religion et mécroit en une autre, qu'il est mécréant. Et il a cité des exemples à cela en disant, celui par exemple qui croit à une partie du Coran et refuse de croire à une autre partie du Coran, qui n'est pas musulman. Qu'une personne par exemple qui croit qu'il faut unifier Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui refuse de croire à l'obligation de la prière. Il dit, moi, pour moi je ne crois pas que la prière soit obligatoire, qui n'est pas musulman. Ou bien une personne qui croit au tawhid, qui croit à la prière, mais par exemple qui ne croit pas à l'obligation de la zakat. Pareil, il n'est pas musulman. Pareil pour le saum, pareil pour le hajj. Où l'auteur veut-il arriver? Et que, comment voulez-vous, acceptez-vous cela? C'est-à-dire qu'une personne, qui refuse de croire à la prière soit mécréante, et qu'une personne qui refuse de croire au tawhid soit musulmane. بمعنى أنتم تقولون أنتم قلتم لا إله إلا الله وصمتم وصليتم ولكن ما وحدتم الله تبارك وتعالى فأمنتم بشيء وكفرتم بشيء آخر فلا تنفعكم الشهادتان بالإجماع. Donc il nous dit, vous dites que la ilaha illallah, que Mohammed est son messager, vous priez, vous jeûnez, mais vous refusez d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc vous invoquez autre qu'Allah, vous sacrifiez pour autre qu'Allah, et donc à ce moment-là, les deux attestations ne vous sont d'aucune utilité. Et cela, c'est-à-dire, si vous attestez que celui qui refuse de croire à l'obligation de la prière, qui n'est pas musulman, comment pouvez-vous croire qu'une personne qui refuse d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala peut-elle être musulmane alors que at-tawhid est au-dessus de la prière, au-dessus de la zakat, au-dessus du jeûne, au-dessus du hajj et au-dessus de toutes choses. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة ذكر ستة أمثلة لأناس قالوا لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون ومع ذلك كفرهم الشرع إما القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع العلماء على كفرهم ولم تنفعهم الشهادتان. Ensuite l'auteur rahimahullah, il a cité des cas, donc soit des hadiths, soit des événements de l'histoire où des gens attestant que la ilaha illallah et que Mohammed est son messager, priant, jeûnant, accomplissant le pèlerinage, peut-être même accomplissant le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour certains actes ils ont mécru et que les deux attestations, que la prière, le jeûne, cela n'aura été d'aucune utilité. المثال الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير بني حنيفة وقتالهم. Le premier exemple qu'a cité l'auteur, c'est le fait que les compagnons radiallahu anhum ont été tous d'accord pour statuer que Banu Hanifa n'était pas musulman et qu'il était obligatoire de les combattre. Banu Hanifa, هم الذين خرج منهم مسيلمة الكذاب وهي إحدى أكبر قبائل العرب. Donc c'est la tribu de laquelle est sorti Musaylama al-Kadhab. Donc Musaylama al-Kadhab, et c'est une des plus grandes tribus arabes, et ils étaient fi Najd. L'imam al-Bukhari rahimahullah يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن الشماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت أو ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. Donc, il est rapporté dans Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, il nous dit que Musaylama al-Kadhab est venu à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son peuple. Et il a dit, si Mohammed veut bien me laisser la direction des musulmans après lui, c'est-à-dire la prophétie, je veux bien le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et avec lui Thabit ibn Qais ibn Shammas, et il y avait dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau de feuille de palmier. Et il s'est arrêté proche de Musaylama al-Kadhab et lui a dit, si tu m'avais demandé ce petit morceau de feuille de palmier, je ne te l'aurais pas donné. Ma a'taytukaha wa lan ta'duwa amra Allahi fik. Donc, l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, لن تعدوا أمر الله فيك. Donc, tu ne pourras pas repousser l'ordre d'Allah qui t'arrivera. ولئن أدبرت, même si tu t'en vas, ليعقرنك الله, Allah te fera périr. وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. Et je vois en toi ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a vu en rêve qu'il avait donc deux bracelets en or. Il a vu en rêve qu'il avait deux bracelets en or et il lui a été dit pendant le rêve aninfukhuma, c'est-à-dire souffle sur ces deux ou bien gonfle ces deux bracelets. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé sur les deux bracelets et ils se sont mis à voler. يقول فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai compris que ce sont deux menteurs qui vont apparaître après moi. فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِ Abu Hurayra dit le premier c'était Al-Ansi, un homme fil le Yémen, également qui a prétendu être prophète. وَالْآخَرْ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّبْ صَاحِبَ الْيَمَامَ Donc celui, cet homme-là. Donc les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, Abu Banu Hanifa ont dit Musaylama est le prophète d'Allah après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiyallahu anhum, automatiquement ils ont statué que ces gens n'étaient pas musulmans. Et ils se sont tous mis d'accord également pour les combattre. Et c'est ce qu'a fait Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu fi ma'rakat al-Yamama. Ma'rakat al-Yamama, l'année 13 de l'Hégire. ومن الذي قتل مسيلمة الكذاب كسك وحشي وحشي هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بنفس الرمح الذي قتل به حمزة ابن عبد المطلب يقول قتلت بهذا الرمح ولي الله وقتلت به عدو الله donc c'est وحشي qui a tué وحشي ابن حرب qui a tué مسيلمة الكذاب avec la même lance avec laquelle il avait tué Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il a dit, j'ai tué avec cette lance l'allié d'Allah et j'ai tué avec la même lance l'ennemi d'Allah, Azza wa Jal. Donc, eux, ils ont élevé un homme qui est Musaylama au rang de la prophétie en disant que Musaylama est un prophète. Il nous dit ensuite, que penser alors d'un homme qui est élevé au niveau d'Allah, Azza wa Jal? C'est-à-dire vers qui sont dirigées certaines adorations. À ce moment-là, l'attestation de foi ou bien même la prière ne sont d'aucune utilité. Donc voilà le premier exemple qu'a cité l'auteur. Banu Hanifa, les compagnons, radiallahu anhum, ils ont statué qu'ils étaient mécréants. Malgré qu'ils disaient « La ilaha illallah, Muhammad sallallahu, ils jeûnaient du fait qu'ils ont dit que Musaylama est un prophète. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب ما اعتقدوا واعتقدوا فيه رضي الله عنه الألوهية فأمرهم علي رضي الله عنهم بالتوبة فأبوا أن يتوبوا فقتلهم بالنار أحرقهم بالنار والصحابة رضي الله عنهم ما أنكروا على علي رضي الله عنه قتلهم إنما أنكروا عليه طريقة قتلهم منهم عبد الله بن عباس يقول لو كنت أنا ما أحرقتهم بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لا قطعت رؤوسهم لكن ما أنكر يعني مبدأ قتلهم إنما أنكر الطريقة أنه لا يعذب أحدا بالنار إلا رب النار عز وجل والحديث في البخاري حديث يعني إحراق علي بن أبي طالب لهؤلاء بالنار في البخاري وسنقرأ عليكم ما ذكره الإمام الأجري في كتاب الشريعة عن عثمان بن أبي عثمان قال جاء ناس من الشيعة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين أنت هو قال من أنا قالوا أنت هو قال ويلكم من أنا قالوا أنت ربنا قالوا لعلي بن أبي طالب أنت ربنا فقال لهم علي رضي الله عنه ارجعوا فتوبوا ارجعوا فتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم ثم خد لهم الأرض ثم خد لهم في الأرض أخدودا ثم قال لقنبر يعني الرجل اسمه قنبر ائتني بجزم الحطب فأتاه بها فأحرقهم بالنار، ثم قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نارا ودعوت قنبرا. دونك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque des compagnons pendant son khilafa même, il y a des gens qui sont venus le voir en prétendant qu'il était Allah Azza wa Jal, ta'ala Allahu an dhalik. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu an, en entendant cela, il leur a ordonné de se repentir de ce qu'ils avaient dit. Mais ils ont refusé et Ali radiallahu anhu les a alors brûlés par le feu. Aucun compagnon n'a blâmé Ali radiallahu anhu d'avoir fait ce geste. Certains compagnons, comme Abdullah ibn Abbas, l'ont blâmé de les avoir brûlés. Pas de les avoir tués, mais de les avoir brûlés. En lui disant, « La yu'adhibu bin nari illa rabbun nar » Nul ne peut châtier par le feu que le Seigneur du feu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Le hadith est dans Al-Bukhari. Dans Kitab Al-Shari'a Al-Ajurri, rahimahullah, Uthman ibn Abi Uthman nous dit, des gens parmi Shia, donc ça c'était les premiers chiites, le début, ils sont venus à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu en lui disant, ô chef des croyants, ya Amir al-Mu'minin, anta huwa, tu es lui. Il a dit, qui suis-je? Ils lui ont dit, tu es lui. Il a dit, waylakum man ana, malheur à vous, qui suis-je? Ils lui ont dit, anta rabbuna, tu es notre Seigneur. Ali ibn Abi Talib leur a dit, irji'u fatubu. C'est-à-dire, revenez à Allah tabaraka wa ta'ala, repentez-vous, et c'est comme si vous n'avez rien dit. Fa'abou. Mais ils ont refusé. Ali radiallahu anhu les a alors tués. Ensuite, il a creusé la terre et demandé à un homme qui s'appelle Qanbar de lui rapporter du bois, et il a allumé le feu et a jeté ses gens dans le feu. Et ensuite, il a dit un vers de poésie en disant « Lamma ra'aytu al-amra amran munkaran, awqadtu naran wa da'awtu qanbara » C'est-à-dire, lorsque j'ai vu que ce sujet était un sujet munkar, ignoble, « awqadtu naran wa da'awtu qanbara » J'ai allumé le feu et j'ai appelé Qanbar. Donc ici, les compagnons radiallahu anhum ont été unanimes sur le fait que Ali ibn Abi Talib radiallahu an a eu raison de son acte en châtiant ces gens-là. Sauf que certains compagnons donc ont divergé avec lui sur la manière de faire. Mais ils ont tous statué que ces gens-là étaient mécréants et qu'ils méritaient d'être tués. Al-Misal al-Thalith, le troisième exemple. الذين يسمون بالعبيديين يعني اتباع عبيد القداح عبيد القداح هؤلاء أن يشهدون أن لا إله إلا الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة كما قال المؤلف رحمه الله ومع ذلك أجمع العلماء في زمانهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم على كفرهم وأنهم ليسوا بمسلمين والعبيديون هم أتباع أبي محمد عبيد الله بن ميمون القداح هذا رجل ظهر سنة 1700 و300 كان يهوديا فادعى أنه أسلم ثم سافر يعني من بلده إلى بلاد المغرب وعندما نقول بلاد المغرب هو المغرب العربي وادعى أنه شريف فاطمي يعني من سلالة فاطمة رضي الله عنها فصدقته طائفة كثيرة من البربر حتى صارت له دولة هذه بداية دولة العبيديين في المغرب ثم يعني ورث الحكم حكم دولة العبيديين يعني أحفاد أبي محمد عبيد الله بن ميمون. وتمكن حفيده المعز من الاستيلاء على مصر، واستمر ملك العبيديين بها نحو قرنين من الزمان إلى أن قضى عليهم بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي في سنة 64 و500، وأزال منها كل آثار العبيديين وقطع شرورهم عن الناس وأراح الله منها العباد. دونك العبيديون donc sont ceux qui ont suivi Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah. Cet homme était un homme juif venant de l'Orient, et il a voyagé de là-bas vers al-Maghrib, donc vers le Maghreb, en prétendant être un homme de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens parmi les berbères l'ont suivi, et il a créé un état, donc Dawlat al-Ubaydiyin, et ils se font appeler al-Fatimiyin. Mais le musulman les appelle al-Ubaydiyin, car Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallam, n'a rien à voir avec ces gens là donc c'est juste pour que vous sachiez que lorsqu'on parle des Fatimiyin, c'est les mêmes personnes que al-Ubaydiyin. Donc, il a créé son état donc au Maghreb. Puis, donc, a pris le pouvoir donc la descendance de Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah, et son petit-fils al-Mu'izz a réussi donc à prendre possession de l'Égypte. Donc, c'était en 317 qu'il a pris possession du Maghreb. Ensuite, donc, son petit-fils, quelque temps après, a pris la possession de l'Égypte, et ils sont restés là-bas pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce que Salah ad-Din al-Ayyubi rahimahullah donc reprenne la Mesr et le Maghreb en l'an 564, et donc il a effacé toutes leurs traces et a fait disparaître le mal de ces gens-là dans ces pays-là. Donc ces gens-là, al-Ubaydiyun, donc ils ont possédé le Maghreb et l'Égypte à l'époque de l'Abbasiyin. Tous, sans exception, attestaient que la ilaha illallah, que Mohammed est son messager. Il prétendait être musulman, il priait le vendredi, al-jama'a. Il nous dit falamma azhara mukhalafat ash-shari'ati fi ashya duna ma nahnu fihi ghazahum al-muslimun. Ajma' al-ulama 'ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum bilad harb wa ghazahum al-muslimun. C'est-à-dire que tous ces gens-là attestaient que nul ne mérite d'être adoré d'Allah, que Mohammed est son messager, il priait, il jeûnait, etc. Sauf que lorsqu'ils ont fait apparaître des choses contraires à l'islam, tous les savants sont exception, ont statué que ces gens-là étaient mécréants et qu'il fallait les combattre, et que leur pays n'était pas un pays de l'islam mais un pays de guerre. Et les musulmans ont reconquis l'Égypte et le Maghreb, et ils ont repris tous les pays qui étaient entre les mains de ces gens-là. Yaqulu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العبيديين ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. قال ذلك في رده على البكري. Il nous dit que العبيديين, leur religion de manière apparente c'est الرفض, c'est-à-dire le schisme. وباطنه الكفر المحض. Mais ce qu'ils ont à l'intérieur, c'est une véritable mécréance. C'est-à-dire, ils montrent aux gens qu'ils aiment la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le font les chiites. Mais à l'intérieur, c'est kufr mahd. Parmi les choses qu'ils ont fait, « A'lanu ala manabirihim ومآذنهم لعن الصحابة رضي الله عنهم ورمي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بالإفك تكذيبا لله الذي أنزل براءتها فيما يتلو الناس في محاربهم من كلام الله الحق المبين. ثم دعوا الناس إلى عبادتهم وعبادة آبائهم من دون الله. Donc parmi les choses qu'ils ont faites, ils maudissaient les compagnons radiallahu anhum sur le minbar, le jour du vendredi. Et pareil, al-mu'adhdhin maudissait les compagnons radiallahu anhum. Également, sur le minbar, ils accusaient Aïcha radiallahu anha de ce dont Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans surat An-Nur, c'est-à-dire la fornication. Et ils appelaient les gens à les adorer et à adorer leurs ancêtres. C'est pour ça que, donc, comme on a dit, Cheikh l'Islam nous dit « Zahiru madhabihim ul-raft wa batinuhu al-kufr ul-mahd » Donc dès qu'ils ont fait ces choses-là, les savants de l'Islam ont tous été unanimes pour statuer que ces gens-là n'étaient pas mécréants. Donc l'auteur, rahimahullah, il nous cite tous ces exemples pour que l'on comprenne que le fait de dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », de prier, de jeûner, ne garantit pas à la personne d'être musulmane. Il se peut qu'elle fasse un acte qui la fasse sortir de l'islam, comme cela a été le cas ici, pour Al-Ubaydiyyin. المثال الرابع الذي ذكره المؤلف هو أن كل كتب الفقه تتضمن يعني فصلا وكتابا وما يسمى بكتاب حكم المرتد. حكم المرتد يعني في مذهب الحنبلي وفي المذهب الشافعي والمالكي والحنفي تجدون هذا الكتاب وهو المسلم الذي يخرج من الإسلام. المسلم الذي يخرج من الإسلام. فإذا كان الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤدي زكاته ويصوم ويحج, إذا كان الإنسان إذا فعل ذلك يعني يظل مسلما مهما فعل, فما فائدة ذكر هذا الكتاب في كتب الفقه على اختلاف المذاهب؟ Donc l'auteur, le sixième ou bien quatrième exemple qu'il a cité, il nous dit que tous les livres de fiqh, de n'importe quelle doctrine, que ce soit hanafite, malikite, shafi'i ou bien hanbali, possèdent un chapitre qui s'appelle hukm al-ridda ou bien hukm al-murtad, l'apostasie ou bien l'apostat. Il nous dit, cela prouve que la personne peut être musulmane et sortir de l'islam. Car donc si la personne prie, jeûne, atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, que Mohammed est son messager, et que si elle fait ça, donc on ne peut statuer sur elle qu'elle n'est pas musulmane, comme les gens l'ont dit à Shir, tu kafiruna al-muslimin. Quel est l'intérêt de ce chapitre cité dans tous les livres de fiqh? Donc cela prouve que la personne qui est musulmane peut, par certains actes, sortir de l'islam. Et ensuite, وَذَكَرُوا أَنْوَاعًا كَثِيرًا كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرْ وَيُحِلُّ دَمَ الْرَجُلِ وَمَالَ. Il dit qu'ils ont cité dans ces livres-là beaucoup de choses. Donc, ils divergent en fonction des écoles. Certains en citent plus que d'autres. Ils citent des paroles, des actes qui font sortir la personne de l'islam, même si elle dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'elle prie, qu'elle jeûne. مثلاً ما يذكرونه, il dit celui qui jette مصحف في الزبالة, celui qui jette un Coran à la poubelle, par exemple. Il dit يكفر بذلك, la personne sort de l'islam en faisant cela, même si elle dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle prie, qu'elle jeûne. On a cité tout à l'heure ceux qui disent مصيحف مسيجد sur la d'après l'avis de l'Ahnaf. Il cite même donc des paroles dites pour plaisanter. Des paroles dites pour plaisanter, la personne également sort de l'islam. المثال الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ففي غزوة تبوك قال رجل أن كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجعون من غزوة تبوك، فقال رجل لأصحابه: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني يستهزئ بالصحابة رضي الله عنهم. فجاءه عوف بن مالك فقال له: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قلت، أنك تستهزئ بالصحابة وبالمجاهدين. فذهب عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بما قاله هذا الرجل، ولكن سبقه القرآن، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، ويقول الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا نقصد ما قلنا، كنا نخوض ونلعب. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذه الآية: قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء يعني ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه مجاهدين في سبيل الله ويقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك كفرهم القرآن، يعني بهذه الكلمة التي نطقوا بها. Le cinquième exemple qu'a cité l'auteur, rahimahullah, c'est sur les gens qui se sont moqués des compagnons, radiyallahu anhum, et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, au retour de la bataille de Tabouk, l'année 9 de l'Hégire, donc les compagnons sont en train de revenir, et un homme parmi eux donc était en train de plaisanter, en disant: ma ra'aytu mithla qurra'ina ha'ula, je n'ai jamais vu de gens semblables à nos lecteurs. Il parle des compagnons, radiyallahu anhum. Il nous dit: arghab butunan, des gens donc qui ont un appétit sans fin. Wa akdhab al-sunna, des gens qui mentent beaucoup. Wa la ajban 'ind al-liqa, et des gens qui sont lâches lors de la rencontre avec l'ennemi. Donc il disait cela pour plaisanter pendant le voyage. Auf ibn Malik radiyallahu an a entendu cet homme dire cela. Il a dit: tu mens, innaka munafiq, tu es un hypocrite, et je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. Donc Auf ibn Malik s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer, mais le Coran était déjà descendu pour ce que cet homme avait dit. Allah nous dit: قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, vous moquez-vous des versets d'Allah, d'Allah lui-même, de son prophète. Ensuite, لَا تَعْتَذِرُوا, ne vous excusez pas. قَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc l'auteur, il nous dit que pour une parole, la personne peut sortir de l'islam en se moquant d'Allah, de ses signes, de son prophète ou de sa religion. Donc tous ces exemples qu'on a dit, c'est pour montrer que le fait de dire la ilaha illallah, de prier, de jeûner, même de faire le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un acte, la personne peut sortir de l'islam. Al-mithal al-sadis wal في شأن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين. حنين كانت بعد فتح مكة. حنين وادي في مكة. بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين. فكان معه أناس حدثاء عهد بالإسلام. يعني دخلوا في الإسلام عند الفتح، فهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا بسدرة ينوط الكفار بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم بشجرة ويطلبون البركة بذلك، أن الشجرة تعطيهم البركة، والبركة تكون من الله تبارك وتعالى. فهم طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا والشجرة تعطينا البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Donc le sixième exemple qu'a cité l'auteur rahimahullah, c'est le fait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Hunayn. Hunayn, ça a eu lieu juste après la reconquête de la Mecque, l'année 8 de l'Hégire. Donc le Ramadan, l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconquis la Mecque. Tout de suite après, il est sorti à Hunayn. Hunayn, c'est une vallée de la Mecque pour combattre. Et il y avait avec lui des gens qui venaient d'embrasser l'islam. Donc lors de la conquête de la Mecque, les gens sont rentrés dans l'islam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Donc ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Sauf que ils ne connaissaient pas toutes les règles de l'islam. Certaines choses qu'ils avaient avant l'islam, ils pensaient que c'était permis. Donc ils sont passés à côté d'un arbre, un jujubier, sidra, sur lequel les kuffars accrochaient leurs armes. Donc ils accrochaient leurs épées et grâce à cela, ils prétendaient que de la baraka était alors dans leurs armes. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donne-nous un arbre auquel nous accrocherons nos armes comme les kuffars le font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en entendant cela a dit Allahu Akbar, innaha sunan. C'est-à-dire, c'est une pratique avant l'islam. C'est une pratique d'avant l'islam, ce que vous demandez. Il a dit, Wallahi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous avez dit la même parole qu'ont dit Banu Israël à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. C'est-à-dire, donne-nous une divinité comme il possède une divinité. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهيه لكفروا، كذلك بنو إسرائيل لو لم يطيعوا موسى عليه السلام بعد نهيه لكفروا. Donc pourquoi l'auteur il nous cite ces deux exemples, l'exemple de Banu Israël et l'exemple des compagnons radiyallahu anhum, car s'ils avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant un arbre qu'ils prétendaient que cet arbre donne de la baraka, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur en ait interdit, ils auraient alors mécru, même s'ils disent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pareil pour Banu Israël, si ils n'avaient pas obéi à Moussa lorsqu'il leur a dit قال إنكم قوم تجهلون, c'est-à-dire il leur a interdit de faire cela, de prendre une divinité comme ce peuple pour cette divinité, ils auraient mécru. Donc l'auteur il veut nous dire que Banu Israël, malgré qu'ils étaient avec Moussa alayhi salam, qu'ils avaient de la science, qu'ils avaient de la piété, s'ils avaient désobéi à Moussa dans cela en prenant une divinité, ils auraient alors mécru. Pareil pour les compagnons radiyallahu anhum. Certains des compagnons, s'ils avaient désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il leur ait interdit de de prendre cet arbre comme source de baraka, ils auraient alors mécru. ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين